Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux. Une commandite de votre magasin local et régional Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. Le printemps est à nos portes et pour vos besoins d'articles printaniers, c'est Canadian Tire du 1751 boulevard Vézina qui est l'endroit idéal. Surveillez la circulaire chaque semaine pour les différents spéciaux et magasinez en ligne au canadiantire.ca. Bonjour tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport local et régional. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional de la en parlant qu'en fin de semaine à Dolbeau-Mistassini, c'est la plus grosse activité, une des plus grosses avec la course de relève, c'est le traditionnel bootcamp qui aura lieu au centre de ski, le Domiski. En entrevue sur les ondes de danazosport.com hier, le responsable Richard Bellot nous parle de à quoi s'attendre cette année. Aux années, nous allons voir encore un 6 km de course, de marche ou... Pour ceux qui veulent le descendre sur les fesses, parce qu'on va descendre les pentes de demi-ski, peu importe la façon qu'ils vont voir réaliser 6 km, c'est encore un 6 km avec 30 obstacles cette année. OK, 30 obstacles. Donc, il y a encore plus d'obstacles que les autres années, c'est ça? Ou plus? Le bootcamp attire des gens d'un peu partout, explique Richard Bellot. Ça vient d'un petit peu partout. L'an passé, j'ai pas encore eu les chiffres de cette année, mais l'an passé, sur nos participants, 30% de la population des participants venaient de Dolbeau-Mistassini. OK. 70% venaient de la région du lac Saint-Jean. OK. Et 85% venaient du Saguenay-Lac Saint-Jean. Donc, c'est quand même très, très bon. Il n'y a pas de Québec puis il n'y a pas de Montréal, là. Oui. On va parler de deck hockey maintenant. Il y avait des matchs qui nous intéressaient hier à Saint-Prime. D'abord, le National, qui a une fiche de 3 victoires et défaites, a battu le Mahiacan. La sécurité Mahiacan, 10-4 pour la formation de Mahiacan. À noter que dans le match, 2 buts pour Mathieu Pinet, 2 buts de passe pour Mathieu Hudon. Pour l'équipe gagnante maintenant, belle production de Guy Charbonneau avec 3 buts, 2 passes, de même que Jason Lajeunesse qui a marqué 3 buts, 2 passes. Maxime Desbiens également 2 buts et Jonathan Lambert a également marqué. Et dans l'autre match qui avait lieu hier, victoire de Ferdex 11-4 contre l'équipement électrique. Pour Ferdex, notons la production de Jeff Boily qui a marqué 5 buts et une passe. Frédéric Boutin, 3 buts, une passe. Nicolas Leclerc, 1 but, 4 passes. Sébastien Genet, 1 but et 2 passes. Maintenant, au soccer, il y avait 2 matchs qui nous intéressaient hier. Et dans la catégorie U12 masculin, U14 féminin, pardon, victoire du FC de Saint-Félicien 3-1 sur le Boréal d'Alma. Et dans le U14 féminin, l'Union de Robertval a défait l'équipe de Saint-Ambroise par la marque de 5-1. Et Simon Tremblay, le nouveau directeur général des élites de Jonquière, et succède à Daniel Latum qui était en poste depuis 1998. Et Simon Tremblay a occupé le poste d'instructeur adjoint au cours des 7 dernières années. Je vous invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entendu d'abord avec Jean Gosselin, où on parle de basketball et de baseball. On parle aussi avec Richard Bellot du bootcamp qui a lieu en fin de semaine. Sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.